Crépidule, le podcast qui porte une voix féministe à l'oreille publique. C'est parti. Salut Alessandra. Salut Lynn. Bon, alors là, en plein mois de décembre, on a renoncé à nos enregistrements dans l'espace public. Un exercice qu'on pratique avec ardeur, n'est-ce pas, depuis cette rentrée et qu'on va reprendre gaiement dès janvier. Mais là, faut pas se laisser enfermer dans un concept. On a choisi de s'offrir du chaud, du doux, du confortable autour du micro, avec de savoureuses victuailles à partager, dans un esprit tout à fait Noël, hein, ma chère. Oui, c'est cool, c'est fête de fin d'année autour de ma petite table de cuisine. Alors, 26e épisode avant la pause hivernale. Mais moi, j'ai une question pour toi, Alessandra. Est-ce qu'on t'a déjà posé cette question hautement angoissante, selon moi, de « à quoi tu penses ?» Bah, tu me fais le même effet, là, tu vois. Oui, bien sûr, on m'a souvent posé cette question. Évidemment, impossible d'y répondre concrètement, et souvent, c'est de toute façon juste une lâche tentative de pallier à un silence jugé un peu trop long. Mais ici, je vais quand même essayer de faire une sorte de déroulé de à quoi j'ai pensé. Sorte de parcours tumultueux de réflexion. Je vous invite ou je vous défie à me suivre. En plus, vu la période de fin d'année et les innombrables dîners familiaux, brunchs amicaux et apéros professionnels qui l'accompagne souvent, j'ai pensé qu'une dose de culture générale serait la bienvenue, de quoi avoir de la matière à tchatcher pendant ces get-together hivernales. Donc, quelques fun facts, et en plus, on va parler bidoche. Donc, à quoi j'ai pensé? Tu me le demandes? Lynn, franchement, à quoi t'as pensé? Le déclencheur, Alessandra, de tout ça, le déclencheur premier, c'est peut-être mon amour pour Instagram. Puisque pendant une de mes sessions Instagram quotidiennes, je suis tombée sur le post d'un de mes abonnements suédois, Konst Kvinnor, qui veut dire à peu près « femme dans l'art ». Est-ce que tu te fous de la gueule de ma langue maternelle, Alessandra? Oui, ou de ma non-compréhension plutôt, on va dire ça. Donc Konst Kvinnor, qui veut dire à peu près « femme dans l'art », un compte qui poste des photos d'œuvres d'art faites par des artistes femmes, accompagné d'une courte biographie à chaque fois. Et cette fois-ci, c'était une image d'une peinture représentant un morceau de viande crue avec un effet zoom où on voit les détails, les courbes de la graisse, les nervures. Et en fait, c'était une peinture de l'artiste texane Victoria Reynolds, que je ne connaissais pas du tout. Et toi non plus? Tu dis non de la tête. Ils n'entendent pas à l'autre bout du micro, mais c'est OK. Donc ça m'a interpellée et j'ai commencé à faire quelques recherches sur Internet. Et voilà que j'ai découvert que Victoria Reynolds, née en 1962, est connue pour ses peintures de viande crue et de tripes. Et donc pour vous faire une image, c'est comme si on prenait comme ça un morceau de bidoche de chez le boucher ou la bouchère, qu'on prenait une photo rapprochée d'une partie de la viande, puis que cette image est ensuite peinte, sauf que dans la démarche artistique de Reynolds, elle va en fait sélectionner son morceau de viande, puis celui-ci est posé comme modèle dans son atelier où elle va le peindre sur sa toile. Et en fait, ce zoom sur une partie du morceau de viande donne un effet très particulier, à la fois un peu écœurant, mais aussi un peu flottant ou cosmique, si on veut utiliser des jolis mots. Et puis, c'est très drôle parce qu'en fait, elle fait encadrer ses peintures de viande dans des cadres de style baroque, comme ça, très taillé, kitsch, avec des motifs, des fioritures. Et en plus, elle peint aussi les cadres, donc c'est assez étrange. Parce que c'est franchement, bah, ça provoque quelque chose entre cette représentation de la viande et ses cadres. On ressent à la fois du dégoût et de la fascination. C'est captivant de par la beauté, tout en étant très repoussant de par la laideur. Mais enfin bref, on vous mettra un lien sur le post-pod, comme ça vous pourriez aller voir par vous-même. Voilà. Mais alors, pendant mes recherches virtuelles, je suis tombée sur la vidéo d'un artist talk que Reynolds a donné au Hammer Museum à Los Angeles en 2009, dans le cadre d'une exposition à laquelle elle participait. Et pendant ce talk, donc, Reynolds, qui se tient derrière un pupitre dans un auditorium, projette des images sur un écran à côté d'elle pour illustrer ses propos. Elle commence son speech par projeter un de ses propres peintures, une peinture de morceaux d'utérus de porc, des morceaux qu'elle raconte avoir trouvés au marché chinois, j'imagine probablement à Los Angeles où elle réside. Ensuite, elle dit que ce que les gens lui posent le plus souvent comme question, c'est pourquoi est-ce qu'elle peint de la viande et qu'est-ce qu'elle peignait avant cela. Et elle raconte qu'avant de peindre de la viande, elle peignait des glaces ou des desserts. Et j'aime beaucoup parce qu'à ce moment-là, quand elle le raconte, mais aussi finalement tout le long de son speech, elle a comme un sourire en coin. Et souvent, elle se marre un peu à moitié. Et elle a vraiment une sorte d'ironie comme ça, où elle voit le côté quand même bien marrant de la situation, où voilà, elle peint quand même des morceaux de bidoche qu'elle met dans des cadres absolument improbables. Et ça marche, et en plus, elle aime faire ça. Donc, quelque part, elle fait preuve de légèreté et d'humour dans la conception de son travail. Mais, d'un autre côté, et d'entrée de jeu, elle va légitimer sa pratique en l'insérant dans une histoire de l'art occidental plus large. Et elle va se revendiquer héritière notamment de peintres et d'artistes comme de Vinci, Peter Herzen ou encore Rembrandt, dont elle montre des peintures et des dessins de chair, de viande, de carcasses et d'étalages de boucherie. Et ça, j'ai trouvé captivant, en fait, comment elle oscille entre ce truc un peu weirdo et une pratique réfléchie et légitimée par des centaines d'années d'histoire de la peinture. Et là, et je vous préviens, maintenant on part en mission réflexion, je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant à relever parce que donc elle introduit son artist talk en s'insérant comme ça dans une histoire de l'art masculine, puisqu'elle ne cite que des œuvres d'artistes hommes. Mais aussi dans son speech, elle dit s'être dirigée vers ses sujets, que ce soit le dessert, le ice cream ou encore la bidoche, parce qu'elle était interpellée par leur aspect humide, mou, désordonné et organique, qu'elle place en opposition à des styles minimalistes. On peut penser par exemple à l'œuvre de Donald Judd, qui, soit dit en passant, lui aussi a résidé au Texas. Donc, qui utilise des matières lisses, shiny, où c'est très dépouillé, très clean. Et souvent, en fait, le style minimaliste est interprété ou placé du côté du masculin parce qu'il s'inspire notamment de l'industrie, des matières et des textures de l'industrie automobile et de la matière comme ça industrielle. Et aussi parce que les représentants majeurs du minimalisme sont tous des hommes. Bon, après, elle n'utilise pas tellement ces termes genrés pour définir ou pour analyser sa pratique. Mais voilà, ma réflexion m'a amenée à ça. Tu m'as demandé à quoi j'ai pensé, Alessandra. Je ne fais que te répondre. J'assume les oreilles toutes esgourdies. Mais voilà, je ne vais pas vous dérouler tout le artist talk de Reynolds ici. On le mettra de toute façon en lien sur le post-pod. Je vous le conseille, hein, il est vraiment assez sympa à regarder, à écouter. Mais donc, pour continuer ce déroulé de à quoi j'ai pensé, donc voilà, j'ai commencé à être plutôt obnubilée par ces représentations de viande by Reynolds et je me disais, ah, peut-être un sujet pour le podcast. Et là, j'ai commencé à réfléchir à si j'étais vraiment légitime de parler d'art et plus généralement, qui est légitime de parler d'art. Donc moi, j'ai quand même un diplôme universitaire en histoire de l'art. Mais c'est quand même assez rare que je me sente comme ça légitime d'avoir un discours affirmé sur l'art parce que je vais me dire que je ne maîtrise pas assez les codes, que la personne en face de moi s'y connaît mieux, blablabla. Bref, syndrome de l'imposteur classique, l'impostrice. Donc au début, j'ai hésité à lancer ce fil de réflexion dans le podcast. Puis ensuite, je me suis dit, et vous vous êtes déjà rendu compte, fuck it, j'ai des choses à dire. Et c'est surtout un des exercices que toi et moi nous faisons dans ce podcast, c'est de créer un espace de parole pour nous. Et aussi de s'offrir le droit de parler et de parfois dire des conneries. Ou juste de parler sans la pression de se dire, ouh, je sais pas si ça va intéresser quelqu'un, est-ce que je peux vraiment le dire? Donc, j'ai continué à réfléchir et à me rappeler de ma formation en histoire de l'art. Donc, je l'ai faite à l'université de Genève et je me souviens qu'elle était très, disons, vieille école parce qu'on nous enseignait une histoire de l'art écrite par des hommes, pour des hommes, où voilà, l'histoire des femmes dans l'art était complètement ou presque occultée. Et il n'y avait absolument pas ou extrêmement peu de cours avec ne serait-ce qu'une once de perspective féministe. Par exemple, nous avions dans notre bibliographie de livres conseillés un ouvrage plutôt fameux, que je ne citerai pas, qui retrace, je crois, style 1000 ans d'histoire de l'art sans jamais, mais jamais, parler d'une femme. Alors que voilà, mon bachelor, je l'ai passé il y a quelques années, certes, mais pas non plus tant d'années que ça. Et depuis les années 70, en tout cas, des historiennes de l'art s'attellent à écrire une histoire de l'art plus inclusive et à mettre en lumière l'effacement des femmes de cette histoire, enfin, de l'histoire de l'art. Et ici, on peut, par exemple, rendre hommage à Linda Nochlin ou Nochlin. Je ne sais pas prononcer parce que personne ne me l'a appris, hein? Qui est en fait décédée cette année, historienne de l'art féministe donc, et qui a écrit l'essai féministe Why Have There Been No Great Women Artists, un essai comme ça fondateur qui a été publié en 1971. Alors voilà, je me suis dit qu'on peut partir, on fait un peu des boucles réflexives, et on peut partir de l'œuvre de Victoria Reynolds pour faire un peu d'histoire de l'art féministe. Au fait, tu as remarqué que dans mon profil WhatsApp, je mets régulièrement des nouvelles illustrations d'art réalisé par des femmes. J'avais pas pensé. Non, j'avais jamais pensé. T'as jamais regardé? Parce que je mets une image et puis dans mon profil, je mets le nom de l'artiste, quand elle est née, si elle est morte, enfin tout ça. Je fais un petit peu de ça dans mon fil WhatsApp. Instagram, Alessandra. Instagram. WhatsApp. Parce que tous les lieux, toutes les petits interstices sont bons à prendre, tu vois, c'est justement ça. Oui, bon à prendre, mais après, il faut se demander si c'est bon à voir ou pas. Ou bon à être visible. Enfin bref, un peu d'histoire féministe. Histoire de l'art féministe. Ou histoire féministe de l'art. Ok, on s'est compris. Donc, le sujet des peintures de Reynolds, la viande, c'est une matière organique qui se périme, qui est vouée à disparaître, et dont l'obtention, le fait de pouvoir le dépeindre, de pouvoir le prendre physiquement comme modèle, comprend en amont qu'un être vivant a été tué. Et ça m'a fait penser aux vanitas, ou aux vanités, qui sont donc des représentations allégoriques de la mort, du passage du temps, de la vacuité des passions et activités humaines, enfin, dans un contexte chrétien. D'interprétation chrétienne. Et les vanités, en fait, se constituent comme un genre de peinture au début du XVIIe siècle, en Hollande. Faut penser peinture de nature morte. Et des symboles habituels de vanitas sont, par exemple, des crânes, des fruits pourrissants, des bulles, de la fumée, des oiseaux morts, mais aussi des sabliers ou encore des instruments de musique. Et ce qui est intéressant avec la nature morte, je continue ici à tisser ma réflexion, c'est que c'est un genre qui a connu des artistes femmes majeures. Et beaucoup de femmes peintres ont choisi, ou ont plutôt été contraintes à choisir, ce genre pour faire carrière, puisque celles-ci n'avaient pas accès aux enseignements nécessaires, notamment à la peinture d'histoire, genre qui était alors très valorisé. Et pour des raisons aussi, pour d'autres raisons aussi, notamment parce qu'elles n'étaient pas autorisées à étudier le nu. Donc par contre, peindre des natures mortes, on peut le faire seul, dans son coin, sans transgresser des normes de genre. Et l'accès aux modèles, fruits et autres était, je pense, plutôt aisé. Bon, j'y vais un peu à la hache, mais dans les grandes lignes, voilà. Et c'est intéressant aussi de souligner le lien avec l'engouement ici, dès le XVIe siècle, pour la science et la nature dans la société occidentale et qu'on a déjà discuté en fait dans les épisodes antérieurs et qui a donc nourri le développement de ce genre de peinture, donc de la nature morte, et peinture qui reflétait aussi l'intérêt à cette époque pour les cabinets de curiosité et les collections de faune et de flore dites exotiques. Voilà, on est post entre guillemets, découverte de l'Amérique. Donc, voilà, c'est ce que je trouve intéressant, c'est que ça s'insère tellement dans l'histoire, quoi, toujours. Enfin, bref, on peut tirer tellement de liens. L'histoire, c'est génial. Donc voilà, développement ou venue en force de l'art de la nature morte dès le 16e siècle, puis Vanitas au 17e, avec beaucoup de femmes artistes. Mais à partir en fait de la seconde moitié du 18e siècle, en France en tout cas, de nombreuses femmes peintres vont rompre en fait avec ce cloisonnement des femmes à un genre de peinture spécifique et de seconde catégorie qu'était la nature morte. Donc notamment en comparaison avec la peinture d'histoire. Et il y a un excellent article de l'historienne de l'art Marie Jo Bonnet intitulé « Femmes peintres à leur travail, de l'autoportrait comme manifeste politique » et qui contextualise ce moment entre le XVIIIe et le XIXe siècle où des peintres femmes revendiquent leurs talents, compétences et place dans l'art en peignant et en exposant leurs autoportraits. Dans son article, Marie Jo Bonnet explique comment, à partir de 1776 en France, la décision de supprimer les maîtrises et les corporations d'artisans dans un élan centralisateur du pouvoir a placé les femmes peintres qui exerçaient alors leur métier dans le cadre corporatif devant un vide professionnel. La seule issue pour exercer restait alors l'Académie royale de peinture et de sculpture de Paris, mais qui, malheureusement, en 1770, donc 6 ans avant, avait imposé le principe d'un quota de 4 femmes sur une moyenne de 70 membres. Donc, showtime de faire carrière alors en tant que peintre femme. De plus, au sein de l'Académie, de nombreux obstacles infranchissables attendaient les quelques femmes élues, telles que l'interdiction d'accéder au poste du pouvoir académique, l'interdiction de devenir professeur dans les écoles royales, interdiction de suivre l'enseignement théorique indispensable pour la peinture d'histoire, interdiction de concourir pour le prix de Rome, et surtout interdiction d'étudier le nu. Et dans ce contexte, peindre et exposer son autoportrait devient tout d'un coup un moyen de se légitimer comme artiste aux yeux de la société et de s'affirmer face à un pouvoir académique et institutionnel qui accepte les femmes au compte-gouttes. Et nous, on a déjà parlé dans notre podcast de cette force transformative qui est inhérente au féminisme, notamment dans le cadre de la sexualité et de la médecine, par exemple dans les années 70, donc 1970, avec des femmes qui voilà, collectivement, vont prendre les choses en main pour ne plus être objet des sciences médicales, mais transformer la situation et devenir elles-mêmes sujet de la production de savoir sur leur propre corps. Et je trouve que dans le cadre de ces autoportraits des femmes artistes françaises au milieu et à la fin du XVIIIe siècle, il y a aussi cette idée de déplacement du statut d'objet à celui de sujet. Donc la place des femmes dans l'art occidental était grossièrement dit celle de modèle, de muse, c'est-à-dire un rôle passif. Et en se représentant dans l'action de peindre, ces femmes revendiquent un rôle actif. Et d'autant plus lorsqu'elles se représentent, et certaines l'ont fait, en enseignant la peinture à leurs élèves femmes. Donc il y a aussi cette idée de transmission du droit à transmettre aussi le savoir aux autres femmes. Donc déjà à cette époque, fin 18e siècle, les femmes intervenaient dans le champ symbolique pour revendiquer une place dans l'espace public et dans le débat intellectuel. Donc à coup de représentation, elles remettaient en question des normes genrées, les normes genrées données à voir. Et je pense, encore aujourd'hui, c'est des stratégies féministes employées. J'ai une question, je ne sais pas si tu as la réponse, mais est-ce que la manière de se peindre, les autoportraits qui étaient produits, est-ce qu'ils étaient différents j'entends là par rapport aux expressions, peut-être moins souriantes, est-ce qu'on remarque des différences entre ça fait un portrait dessiné par un homme ou des autoportraits dessinés par une femme, deux femmes Je ne sais pas. Dans l'article, elle ne le souligne pas. Donc ça, je ne saurais pas dire. Mais parce que ce qu'elle explique, et là, je n'ai pas l'article sous les yeux, c'est que les femmes qui ont fait ces autoportraits, en tout cas les plus connus, et les ont exposés, elles ont dû aussi faire un peu gaffe sur à quel point elles étaient provocantes ou pas dans cette... parce que c'est quand même un acte assez politique et on est vraiment juste quelques années avant la Révolution française. Donc souvent, dans les autoportraits, il y a quand même peut-être une figure paternelle ou d'un maître masculin sous forme de... Voilà, elle dépeigne un buste en bronze ou voilà, une peinture de quelqu'un d'autre, quelque part dans la peinture, quoi. Après, c'est aussi très drôle parce que voilà, elles n'ont pas le droit de faire... Enfin, elles n'ont pas les... disons, entre guillemets, les connaissances pour faire des peintures d'histoire ou certaines sortes de peintures. Mais qu'est-ce que tu peux faire dans un autoportrait? Bah, tu peux en fait peindre une autre peinture comme si, par exemple, il y avait telle ou telle peinture accrochée sur le mur. Donc, c'est aussi un moyen pour, en fait, imiter quelque part la peinture. Enfin, de maîtres de leur époque pour montrer qu'elles sont toutes aussi douées, voire même plus. Donc, ouais, c'est intéressant comme il y a des stratégies qui se déploient là-dedans, mais par contre, je ne saurais pas dire si, quelles étaient les différences par rapport aux autoportraits des peintres hommes. Mais voilà, voilà. Faisons encore un jump réflexif et revenons à Victoria Reynolds et ses « Meat Paintings ». Ou flesh paintings. Donc Reynolds, elle choisit pour objet de ses peintures la viande. Et dans notre société occidentale, la viande, et plus particulièrement la viande rouge et sa consommation, est vue comme quelque chose qui est plutôt de l'ordre du masculin. Et viril, comme ça. Et la virilité peut donc se performer par la préparation, la vente et la consommation de viande rouge. Et sur ce sujet, j'ai lu un article du sociologue américain Jeffrey Sobol qui traite de la viande et de la performance des masculinités, notamment dans le cadre du mariage. Et il montre en fait comment la manière de consommer la viande peut être interprétée de façon genrée. Par exemple, donc je donne juste quelques exemples que j'ai trouvé assez parlants et assez drôles. Donc par exemple, il est plus viril, entre guillemets, de manger... une viande rouge cuisson saignante ou encore ce qu'on appelle en anglais straight, donc avec peu ou pas de sauce. Sobol montre aussi, et ça je trouve vraiment très marrant, comment en fait dans l'imaginaire collectif occidental, une chose qui caractérise la masculinité, c'est l'indépendance. Et justement, dans le contexte sociopolitique actuel, avec les injonctions à, entre guillemets, manger sainement, des revendications de respect des animaux et de protection du climat, manger de la bidoche, manger de la viande, Alessandra, devient une manière de signifier son refus de se plier et devient un acte pour célébrer une sorte d'autonomie virile. Mais donc, voilà, Victoria Reynolds s'empare d'un objet masculin, la viande crue, rouge, et quelque part le tourne en dérision en le mettant dans d'étranges cadres, dans des expositions, donnant des titres assez bizarres du style « Kiss the Fat » ou encore « Hungry Baby Tripe ». Et je ne dis pas que c'est la seule interprétation qu'on peut faire de son œuvre, loin de là. Il y a aussi évidemment des liens avec le corps, avec la matière organique, avec l'idée de la mort, de la vie éphémère. Il y a aussi des interprétations liées à la tradition chrétienne, enfin bref. Mais voilà, là je vous entraîne dans le déroulé de mes réflexions et ça nous mène vers ce choix de Reynolds de travailler avec une matière qui socialement symbolise le masculin et la virilité. Et je me suis demandé, est-ce que d'autres femmes ont utilisé cette matière ? Dans leur art ou leur pratique. Et oui, il y a un exemple très connu, hein, Alessandra ? Là, je teste ton savoir people, ton people knowledge, alors ? Non. Bon, je te le donne, c'est le moment du fun facts about famous people. Il s'agit évidemment du top fashion statement de 2010, Alessandra, si l'on en croit le magazine Time, à savoir la robe en viande de Lady Gaga. Oui. Donc, pour celles et ceux qui ont vécu dans une grotte ces derniers 8-9 ans, non, attends, ces derniers 7 ans, ouais, ok, j'exagère. Lady Gaga est donc une chanteuse américaine. Et donc, aux MTV Video Music Awards le 12 septembre 2010, Lady Gaga a fait sensation et scandale en apparaissant vêtue d'une robe faite entièrement de viande crue avec un petit couvre-chef et un petit sac à main accompagnant 100% bidoche. Ce outfit cousu de morceaux de beefsteak cru a été réalisé par le couturier Frank Fernandez. Voilà, fun facts about famous people. Et on peut aussi dire que Lady Gaga était l'artiste qui a reçu le plus de nominations aux MTV Awards de 2010, avec un record de 13 nominations. Et après la cérémonie, elle était invitée sur le plateau du talk show d'Ellen DeGeneres, je ne sais pas comment on dit, mais voilà, vous avez compris, où elle a expliqué que la robe avait un sens, attention, revendicatif. Elle a dit, je traduis, « J'ai voulu dire que si l'on ne se bat pas pour faire respecter nos droits, on n'en aura pas plus que la viande sur nos os. Et je ne suis pas un morceau de viande. » Ouais, je sais pas. Je comprends pas très bien le message. Et ce qui est quand même un peu marrant, c'est que au moment où elle prononce cette phrase, elle est presque littéralement un morceau de viande géant. Mais ce qui est sûr, c'est que Lady Gaga et son équipe de communication a réussi à créer le buzz autour de la chanteuse grâce à cette robe. Et il y a aujourd'hui une page Wikipédia plutôt bien fournie avec le titre « Lady Gaga's Meat Dress ». Lancée dans mon élan de curiosité, j'ai rapidement découvert que la provocation vestimentaire de Lady Gaga n'était pas inédite. Loin de là. Par exemple, en 1987, l'artiste canadienne d'origine tchèque Jana Sterbak crée l'œuvre intitulée « Vanitas Flesh Dress for an Albino Anorectic », traduit par « Vanitas Robe de chair pour albinos anorexique », qui est une robe de viande de bœuf cousue, de viande de bœuf crue cousue sur un mannequin en métal. Et je tiens juste à dire ici qu'on revient, de par le titre Vanitas, à la référence de la peinture de Reynolds au genre des Vanitas du XVIIe siècle. Enfin bref, juste pour montrer les petits loopings réflexifs. Jana Sterbak est donc une artiste qui travaille des styles différents et utilise des matériaux multiples et parfois périssables, comme par exemple la glace, le pain, le chocolat, la viande, les cheveux ou encore la sueur. Et ses œuvres traitent de la condition humaine et de ses limites, du corps et de l'identité. L'œuvre particulière Vanitas Flesh Dress for an Albino Anorectic a été conçue à New York et présentée pour la première fois à la galerie René Blouin de Montréal, enfin bref, en février 1987, puis de nouveau à Montréal en 1991. À savoir, en fait, qu'à chaque exposition, l'œuvre est reproduite. Donc, c'est pas, elle n'est pas pourrie et puis réexposée. Mais, très drôle aussi, on revient juste vite à Lady Gaga. C'est que, en fait, Lady Gaga, elle garde toutes ses robes en archives. Et elle a aussi gardé celle-là, mais après que des taxidermistes, en fait, ont fait tout un processus pour le transformer en beef jerky. Enfin, bref. Mais on revient donc à Jana Sterbak et à sa robe à elle de viande, donc ce Vanitas. Et en fait, lors de l'exposition de 1991, plus d'un millier d'articles ont été écrits en réaction à l'œuvre pendant une dizaine de jours seulement. Donc c'est vraiment... ça montre comme ça l'effet scandale et fascination provoqué par ce type d'utilisation de la viande ou de la chair animale, donc vraiment cette sorte de détournement de la viande, sa fonction, entre guillemets, habituelle. Et dans leur article « De la robe de chair de Sterbak à celle de Lady Gaga, artiste contemporain et représentation de l'activité bouchère », les autrices Valérie Boudier et Anne-Hélène Delavigne inscrivent la pratique de Sterbak dans une lignée d'artistes féministes, expliquant qu'avec sa robe de chair, Jana Sterbak se rattache à une catégorie d'artistes qui réfléchissent sur les rapports de genre et la place des femmes dans la société en utilisant et en détournant des objets dits féminins, donc ici la robe, par association avec, par exemple, des matières, ici la viande. Et ça crée en fait des sortes de chocs ou de courts-circuits interprétatifs. Et ça, je trouve vraiment captivant. En fait, c'est, quelque part, c'est la même chose aussi pour Lady Gaga. qui voilà, est une pop star lisse dont on attend d'elle qu'elle soit belle, qu'elle soit féminine, même si c'est quelqu'un de très extravagante. Et voilà, dont on est choqué quand elle débarque comme ça en mode dégueulasse, dans, tu vois, de la chair, quoi, dans un truc qui peut pourrir. On se demande aussi, enfin, tu vois, il y a quand même des images, genre comment son corps, enfin, tu vois, qu'est-ce qui se passe avec la viande sur son corps, c'est crade, quoi, il y a un truc comme ça. Donc. Oui, puis l'odeur, ça pose toujours tout de suite la question de l'odeur, est-ce que ça pue ? Ouais, c'est clair, mais Lady Gaga, elle dit que ça, elle trouvait que ça sentait plutôt bon parce que ça sentait la viande. Mais en fait, Yana Sterbak n'est pas la première à avoir fait avoir porté une robe de viande. Donc je sais pas qui a été la première, mais j'ai réussi à remonter quelques années plus tôt à l'artiste et musicienne Linda Sterling qui et du Royaume-Uni, née en 1954, et qui, en fait, depuis le milieu des années 70, à peu près, explore, en fait, les normes, voilà, genrées, l'identité de genre, notamment en faisant des collages, et puis elle a fait... alors, maintenant, évidemment, je ne me rappelle plus du nom, mais on mettra sur le post-pod, elle a fait une couverture d'album très très connue, une femme, donc c'est, je vais décrire maintenant, et il y a plein de gens qui vont savoir ce que c'est et qui vont se dire que je suis tellement nulle de ne pas savoir de quoi je parle, mais bon, je vous décris, hein. Le fond est jaune, et par-dessus, il y a un corps de femme nue, un peu dans les tons violets, et où à la place de ses tétons, elle a des bouches, et à la place de sa tête, c'est un fer à repasser. Bon, on mettra sur le post-pod de toute façon. Et en fait, Linda Sterling, elle avait, au début des années 80, un groupe de musique punk qui s'appelait Ludus. Et lors d'une performance à l'Hacienda Club, donc un club mythique de Manchester, en 1982, elle est sur scène, elle chante sur scène, vêtue d'un corset fait de viande crue et d'un god ceinture noire. Et ce qui est génial, mais ce qui est incroyable, c'est que j'ai trouvé une vidéo de cette performance en qualité années 80. Il n'y a pas de son, mais la vidéo est vraiment incroyable. Ça dure genre 4 minutes. On le met sur le post-pod. C'est génial. J'arrête ici mes cheminements turbulentes de réflexives. Mais au moins, j'ai répondu à ta question, Alessandra. Bon, alors comme d'hab, le temps, il file entre les doigts. On a beau avoir décalé la fréquence de nos épisodes de la quinzaine à la trizaine. Spéciale dédicace à toi, Aline. Je sais que t'adores ce terme de trizaine. J'aime pas ce terme, Alessandra. Mais ouais, mais justement. Oh. Bon, donc à peine un épisode publié que déjà vient tournebouler dans la tête le « Alors, quoi ?» pour le suivant, hein, c'est un écho à tes pérégrinations réflexives. Et je sais pas comment ça se passe vraiment pour toi, on n'en a pas parlé, mais en fait, moi, juste après la publication d'un épisode, je me sens genre un peu flippée, genre, mais punaise, qu'inventer pour le prochain, qu'inventer de neuf, de créatif, d'un peu à contre-courant médiatique de l'actualité, mais tout de même éclairant la barre haute, quoi. Moi, quand on vient de terminer un épisode, je pense plus au podcast. Ça, c'est peut-être un problème aussi, hein. Il faut trouver un équilibre entre ta manière de faire et la mienne. La perfection se situe entre toi et moi. Voilà, à la place du guacamole. Bon, mais après cette vertigineuse peur du vide, juste post-publication, c'est presque magique, ça revient toujours. Et puis en fait, plus le temps passe et plus je laisse même un tas d'idées de côté ou dans la poubelle. Et pour cet enregistrement, tu sais, celui qui porte la mention du dernier épisode de l'année, avec cette habitude culturelle de vouloir clore quelque chose pour soi-disant le recommencer l'année d'après, tout beau, tout neuf. Donc avec cette charge symbolique du dernier de l'année, que j'ai beau trouver risible, mais bon, qui est fortement inscrite en moi, j'avais envie, besoin de me connecter à des choses puissantes. Genre pour te dire, j'avais commencé à travailler un sujet qui était la lobotomie et les mauvaises filles dans la première moitié du 20e. Puis après une paire d'heures et trois pages remplies de notes, je me suis dit est-ce que vraiment j'ai envie de ça là? Est-ce que vraiment c'est le truc à faire maintenant? Maintenant qu'on est assailli de conneries ambiantes avec toute sa série d'injonctions. Tu l'as dit. Et ça, faut carburer à fond, faut faire les cadeaux, organiser notre vie sociale, genre fin du monde, oh, faut voir tout le monde en 3 semaines, les apéros de scie que tu évoquais, les repas de fin d'année de là. Et en plus, je parle en tant que maman genevoise, il a fallu trouver le déguisement super top pour les enfants, défiler aux torches dans le village et sous la pluie, esquiver à coups de « non mais un super repas à film à la maison, bonbons à la clé » pour éviter la soupe et le satané concours de déguisement organisé dans la commune. Un concours, je te dis, où les pauvres mouflets y patientent pendant des heures à la queue-leu-leu pour passer 4 secondes sur une scène et de toute façon jamais gagner ce fichu prix du soi-disant mon cul meilleur déguisement. Alessandra, tu vas être obligée d'expliquer ce que c'est l'escalade. Et confiance, Maline, c'était... J'y venais, mais tout poil là. Oui, parce que précisons donc qu'à Genève, on se doit de célébrer le 12 décembre l'attaque en 1602 de Français, les Savoyards voisins, sur la ville. Et dans ce folklore qui fait l'identité de la ville, d'après évidemment les discours politiques qui l'accompagnent, c'est drôle parce que finalement, le seul personnage que les non-spécialistes connaissent, pour une fois, c'est un personnage historique féminin. C'est celui de Catherine Chenet. Ouais, elle est plus connue sous le nom de mère ou dame royaume, du nom de son second mari. Parce qu'elle aurait lancé la nuit de la bataille, la marmite de soupe qu'elle préparait ce soir-là pour ses enfants, elle en a quand même mis 14 au monde. Donc elle a versé sa soupe brûlante sur les assaillants depuis sa fenêtre. Et si cette dame a bel et bien existé, son action lors de cette nuit est peut-être arrangée sous le sceau de la légende. Mais une légende puissante, puisqu'elle a donné lieu au rituel de la fameuse marmite en chocolat, avec fruits de massepain à l'intérieur, qu'il faut rompre sous le cri de « Ainsi périr les ennemis de la République !» Ça fait un peu froid dans le dos, non ? Mais dans cette histoire, on retrouve toute la créativité des femmes de transformer les objets qui leur sont assignés au quotidien en objets défensifs agressifs, bah, genre la marmite, de la, soupe, la marmite et la soupe d'ailleurs, que Catherine Chenet devait faire si souvent. Très clair la soupe, parce que c'était la disette à Genève à cette époque. Et si on continue la réflexion qu'on a déroulée à l'épisode précédent de la légitimité et du droit social à pouvoir se donner les moyens de se défendre ou pas, cette lecture du monde que propose Elsa Dorlin dans son livre « Se défendre, une philosophie de la violence », eh bien, les femmes qui ont vécu l'attaque de la ville de Genève en 1602, elles n'avaient sûrement pas le droit d'utiliser des armes. J'ai cherché précisément l'info, rapido, et dans ce que j'ai trouvé, on précise, je cite, « Les femmes ne portaient pas de grenades, mais elles ont joué un rôle dans cette bataille, je cite encore, qui n'était pas mince. » Et c'est toujours le même scénario. C'est depuis leur fenêtre que les dames ont participé à cette nuit. Que ce soit la dame royaume, mais aussi la dame Piaget, d'ailleurs mes enfants la connaissaient, mais moi pas, qui, elle n'a pas jeté de la soupe brûlante sur ses assaillants, mais une clé aux défenseurs de la ville. Une clé qui ouvrait un passage dans son immeuble, ce qui a permis à ses défenseurs et d'éviter de se faire massacrer et de déboucher efficacement sur les assaillants par une porte surprise. Et si ces deux récits sont restés dans l'histoire, c'est donc parce qu'ils sont à l'image d'actions de plein de femmes qui auraient jeté plein de trucs, des objets domestiques comme des chaises, depuis leurs fenêtres sur les attaquants. Alors, si on peut relever la créativité active de ces femmes, on peut imaginer aussi à quel point, depuis ces mêmes fenêtres, une arme dans leurs mains aurait été bien plus efficace. Mais bon, si j'ai l'air de me perdre dans mon propos liminaire, pas du tout, ma chère. En fait, tout ça, le fait que des visages apparaissent ou non dans la grande histoire, ça rejoint ton histoire de l'art, qu'on connaisse ou pas leur nom. Oui, parce que je précise que le site officiel de la Compagnie 1602, qui est l'organisme qui fait vivre sur les pavés genevois le rituel défilé déguisé, ne cite pas le nom de Catherine Chenet, mais la nomme uniquement comme la Dame Royaume et commence à parler d'elle en ces termes. Née à Lyon entre 1640 et 1645, fille de Claude Chenet, elle épouse d'abord un maître d'armes, Jean, Esmillon, puis devenue veuve, épouse le 12 avril 1564 à Lyon, Pierre Royaume, fils de Mathieu Rolme, un potier d'étain. Donc cette brave dame, elle est présentée uniquement à travers son père et ses maris. Youpi ! Et alors, si je dis ça, c'est parce que ça illustre directement mon thème spécifique de tchatch du jour, parce que j'ai choisi de parler généalogie. Une généalogie subie ou choisie, mais aussi son alternative féconde, c'est-à-dire une généalogisation, il est dur ce mot, critique et créative. Un outil féministe, un de plus. C'est un thème qui aura bien occupé cette dernière année, et pour moi, et pour Crépidule. Tu vois, je m'en sors pas de la dimension bilan de fin d'année. Alors déjà, pour situer ma réflexion et faire en quelque sorte la généalogie de cette notion de généalogie pour moi, c'est déjà réaliser que, comme d'hab, l'éveil à cet outil de pensée est là depuis fort longtemps, mais pas sous ce nom précis, et par la présence de différentes influences. D'abord, la notion de généalogie est liée à celle d'histoire, de récit, de la manière que l'on a de raconter un passé et aussi le nôtre. Et là, c'est ma mère qui, dans mon adolescence, me transmet l'idée que se raconter est une pratique fort puissante. Elle me raconte la manière dont on se construit en fonction du récit que l'on se fait des événements de sa propre vie. Elle est sûrement en train de travailler elle-même là-dessus à cette époque. Et puis, bien des années plus tard, entre sur ma scène un ethnopsychiatre que j'ai consulté pendant quelques mois et qui m'a permis de continuer à faire germer cette graine. Il m'a fait travailler avec un dispositif cognitif quasi cinématographique, comme une réalisatrice qui décide de la façon de filmer une scène en m'invitant à revisiter les moments charnières de ma vie, mais en changeant de perspective. Est-ce que je peux te demander ce que c'est un ethnopsychiatre ? C'est quelqu'un qui s'est particulièrement intéressé aux pratiques, croyances, représentations qui existaient dans d'autres cultures que la nôtre. Et alors, justement, lui, en fait, il m'a invité à transformer cette prise de vue, à tourner l'œil de la caméra sur un autre angle. Une démarche au sens propre comme figuré, avec comme proposition magistrale celle de changer de point de vue sur ses souvenirs. L'idée, c'est de sortir d'un récit victimaire ou culpabilisant, ou encore de se rendre compte que des micro-actions ou libertés qu'on a prises alors qu'on se représentait jusque-là comme passive ou subissant une situation. Et franchement, j'ai trouvé ça révolutionnaire. Bon, voilà, c'est un exemple d'étapes primordiales qui m'ont permis de comprendre l'importance du récit que l'on fait de son parcours, mais aussi de la part de créativité féconde que l'on peut agir sur la manière de se raconter, déjà et peut-être surtout à soi-même. Et puis j'y reviendrai, mais pendant cette année, j'ai aussi fait un travail sur ce qu'on appelle les constellations familiales. C'est un travail qui permet de réfléchir à ce que nos ancêtres ont traversé et quel héritage émotionnel cette ascendance a pu nous transmettre et que l'on croit devoir porter. Et au mois de septembre, j'ai passé quelques heures avec Angela Marzullo, l'artiste que tu sais qu'on avait, enfin tu le sais très bien, qu'on avait interviewé la saison précédente. Et au détour de partage, elle m'évoque avoir fait recours dans une de ses démarches artistiques à cette notion de généalogie ou généalogisation féministe. Et là, ça y est, paf, je mets en lien cette dimension généalogique, pas seulement comme un outil personnel, mais aussi comme un bidouillage politique. D'ailleurs, c'est aussi une démarche qu'Elsa Dorlin revendique dans son dernier ouvrage quand elle évoque une histoire constellaire, une constellation faite, je la cite, d'échos, d'adresses, des testaments, des rapports citationnels qui relient de façon ténue et subjective ces différents points lumineux. D'ailleurs, toujours dans mes tribulations de pensée, tu vois, on était dans le même mood, je profite pour partager la généalogie de ma pratique de jujitsu. Mon plaisir pas que solitaire que j'ai évoqué la dernière fois et qui se situe dans une expérience qui était un véritable caillou blanc sur ma route. C'était les stages d'autodéfense féministe du Femdochi auxquels j'ai participé il y a 4-5 ans. Parce que un compte, c'est apprendre les techniques de défense, mais c'est encore autre chose de s'autoriser à les mettre en action. D'ailleurs, cette approche féministe du Femdochi, elle est partie du Québec dans les années 70, je crois, suite au viol d'une femme qui était ceinture noire de karaté. Donc le Femdochi, c'est un art martial, en fait, c'est ça ? Oui, tu vas voir, je vais en parler parce que c'est un mélange de techniques d'art martial, mais qui est spécialement conceptualisé et pensé pour les femmes. Donc voilà, quand il y a eu le viol de cette femme qui était ceinture noire de karaté, en fait, c'était tellement incompréhensible qu'une personne aussi équipée au combat ait pas réussi à se sortir de là que des femmes, je ne sais pas si cette survivante aussi, elles ont alors réfléchi de manière transversale, tu vois, pour mettre en lumière les autres enjeux présents dans ces agressions, au-delà de la maîtrise ou non, finalement, des techniques de défense. Elles ont donc établi un mode d'éducation, de pédagogie très spécifique face aux violences de genre, parce que ces violences-là, elles ont lieu dans un contexte, dans une socialisation genrée avec des caractéristiques très spécifiques. Et puis femme, ben, c'est pour les femmes, do, c'est pour le travail ou la voix, et chi, pour l'énergie. Et puis suite à notre dernier épisode sur ce thème du jujitsu et de l'autodéfense féministe, j'ai échangé très fort avec notre chère Rosangela Gramoni, à qui on a tendu le micro il y a quelques épisodes. Oui, parce qu'en fait, ces stages, c'est pour ça aussi que j'ai envie d'en reparler, ils ont lieu notamment à Genève, grâce à l'association Viol Secours, où Rosangela a travaillé. En plus, elle a directement accompagné la mise en place de ces stages, et c'est aussi une approche qui lui tient à elle aussi très fort à cœur. Et si j'ai déjà évoqué ce femdochi dans nos tout premiers pods, bah voilà, c'est toujours bien de remettre plusieurs couches sur les trucs qui comptent. Alors je vous donne encore quelques éléments pour vous donner envie. Ces stages, ils ont lieu sur les 2 jours d'un week-end. Ils sont proposés aux femmes et aux adolescentes. Je ne sais pas comment est prise en compte la question des personnes trans, mais dont le but est, je les cite, de s'interroger sur la manière de se situer face aux violences à caractère sexuel, que ce soit par une personne inconnue ou par quelqu'un de son entourage, prendre conscience et découvrir les possibilités tant physiques que psychologiques dont les femmes disposent pour être en mesure de se défendre, renforcer la confiance en soi à travers cette prise de conscience et partager un moment de réflexion sur l'éducation reçue en tant que femme, sur les idées véhiculées, notamment autour de la violence. Je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas ça à l'école. Il n'y a pas ça à l'école parce que ça a été déjà proposé et que les établissements refusent parce que, avec l'argument que l'éducation publique ne peut pas proposer des cours non mixtes. Mais voilà, c'est en mouvement. Et puis vraiment, je partage, c'est incroyable le chemin qui est parcouru dans ces ateliers. Je ne vais pas entrer forcément plus dans les détails parce que je pense qu'il y a aussi quelque chose de confidentiel à cette pratique d'autodéfense féministe. Mais je voulais redire au micro, comme c'est une chance incroyable de s'offrir une formation personnelle comme ça, c'est du self-care +++. Parce qu'on parlait d'éducation corporelle pour les jeunes femmes, justement, la dernière fois. Et avec ce femdochi, à tout âge, mais autant à commencer au plus vite, c'est vraiment l'occasion de leur proposer un ancrage qui leur permette de désapprendre à ne pas se défendre, comme disait Dorlin. Alors voilà, il y aura bien sûr les coordonnées dans le post-pod et puis aussi un lien vers un manuel d'autodéfense écrit par Irène Zeilinger et disponible en ligne. Non, c'est non, petit manuel d'autodéfense à l'usage de toutes les femmes qui en ont marre de se faire emmerder sans rien dire. Et alors, pour la généalogie, bon, je vais faire encore un petit entrechat dans le micro avant d'entrer dans le vif du sujet pour prolonger encore un peu l'attente. Non, c'est parce qu'en fait, ça en fait vraiment partie. C'est la question du nom de famille des individus. Et dans ce contexte, je ne sais pas si on peut dire occidental, parce que je n'ai pas fait de recherche dans d'autres pays de cette zone, j'ai trouvé un article d'une chercheuse qui s'appelle Florence Rochefort, qu'elle a écrit en 2017 et qui s'appelle « Politique féministe du nom, France, 19-20e siècle ». On y apprend que depuis le 19e siècle, en tous les cas de manière explicite, mais sans doute bien avant, les femmes luttent contre l'imposition du nom marital et proclament leur volonté de se faire un nom. Il s'agit là d'un des combats féministes qui va perdurer jusqu'au 21e siècle, avec, là on peut quand même le relever, des succès législatifs. Par exemple, en Suisse, ce pays s'est fait épingler en 1994 par la Cour européenne des droits de l'homme pour le non-respect de l'égalité des sexes en matière de nom de famille. Il a fallu ensuite attendre les longs débats au Parlement avec une droite conservatrice qui a tout tenté pour freiner ce changement. Et c'est depuis 2013 que les couples mariés ou de partenariats enregistrés, donc dans les couples, chaque membre d'une union peut garder son nom ou choisir de porter le même, peu importe lequel, des deux ex-célibataires. C'est clair ce que je viens de dire, parce qu'en fait, j'ai essayé de ne pas utiliser le mot homme ou femme. Bon, allez, je fais plus simple. Un couple peut choisir de porter l'un ou l'autre nom des deux partenaires. Voilà. Bon, et puis pareil pour les enfants. Le couple parental peut choisir lequel ils vont porter. Et puis, précisons. Ouais, mais il me semble qu'il y a quand même un... Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose en Suisse comme quoi, une fois que tu choisis le nom, si tu es marié, donc on parle là en couple hétérosexuel, puisque les couples de même sexe ne peuvent pas encore se marier en Suisse ou ne peuvent pas se marier en Suisse. Est-ce qu'il n'y a pas un truc comme, si tu es un couple marié, le premier enfant, et bah, tu choisis soit le nom de famille de la mère, soit le nom de famille du père, et bah, après tu dois t'y tenir pour les autres enfants qui suivent. Ah ça, je ne sais pas pour toute la lignée, parce que je sais que tu as une année pour changer un corps d'avis, mais je ne sais pas s'il faut être rigoureux et systématique pour tous les enfants, là je ne peux pas te répondre. En tout cas, ce que j'ai appris aussi, c'est que si tu t'es mariée avant 2013 et qu'une des personnes a dû changer de nom, en l'occurrence c'était la femme pour celui de son mari, elle peut le reprendre en vertu de cette loi. Et puis ce qui tombe, c'est les doubles noms, tu sais, avec un trait d'union au milieu. Ça, on peut pas garder les deux, il faut choisir. Et je n'ai pas trouvé d'infos sur les pratiques effectives des couples dans ce domaine. Je ne sais pas finalement ce que les gens choisissent de faire. Mais dis-moi, c'est déjà comment la pratique de la transmission du nom en Suède ? Parce que toi, par exemple, au niveau de ton nom de famille, t'es au sens littéral la fille de ton père, mais pas tes frères, non ? Oui, alors vraiment, je ne sais pas exactement comment ça marche en Suède. Il me semble que c'est comme ça, c'est que tu peux choisir en fait, le nom de famille que tu veux donner à ton enfant. Je pense que, par exemple, tu ne peux pas choisir salami. Ou boulette de viande, mais tu pourrais peut-être, tu vois, si tout d'un coup tu as envie de choisir un autre nom de famille qui n'est pas forcément en lien avec ta famille, why not, j'imagine. Mais après, c'est vrai que moi, donc ma mère, elle a gardé son nom, mon père, il a gardé le sien de famille, et en fait, moi je suis donc la. Premier enfant de la famille. Et je m'appelle Lars Dotter. Donc, mon père s'appelle Lars. Et Dotter, ça veut donc dire fille, ce qui fait que je suis la fille de Lars. Évidemment, mes petits frères qui sont nés après moi n'ont pas pu prendre ce nom-là puisqu'il est genré. En fait, j'imagine peut-être que tu peux même le prendre parce qu'en fait, moi, je peux... En Suède, la fille... Enfin, les femmes peuvent prendre le nom de son, qui veut dire fils. Donc, par exemple, Larsson. Il y a pas mal de gens, de femmes qui s'appellent son, parce que c'est des noms qui descendent depuis des générations et des générations. Mais donc, en fait, ce que mes parents ont choisi pour mes frères, c'est qu'il y en a un qui a pris le nom de ma mère et puis un le nom de mon père. Quand on a emménagé en Suisse, c'était un bordel pas possible. Et je ne sais pas comment c'est possible, mais je crois que même sur le passeport, en fait, maintenant, de mon frère qui a pris le nom de ma mère, il y a le nom de mon père. Parce que ça ne passait pas. Et je me rappelle, par exemple, qu'on faisait pas mal de... On faisait un peu de course à pied quand j'étais gamine avec ma famille, parce que mon père, il aime beaucoup courir. Et puis, du coup, on s'inscrivait en famille, en fait. Et puis, il y avait toujours cette discussion un peu, déjà qu'on ne parlait pas genre top français, mais il fallait vraiment les convaincre que si on est vraiment une famille, regardez nos tronches, on a tous les mêmes tronches. Mais enfin bref, non, c'est drôle comme ça peut bloquer. Mais évidemment, ça, je trouve aussi intéressant de comment elle va se passer ensuite la transmission si moi, un jour, j'ai un enfant. Et si c'est un garçon, est-ce que je peux l'appeler Lars Dotter ou est-ce que c'est complètement farfelu, sachant que souvent, c'est difficile en tant qu'homme de prendre des attributs féminins. Mais justement, là, il y a ce mot que tu viens d'évoquer qui est la question que le nom des femmes est aussi lié à celui de la transmission. Et y a tout du coup cette émergence de ces termes, du terme de matrimoine. Par distinction à celui de patrimoine, pour visibiliser les héritages historiques des femmes et puis pour se réapproprier leur héritage culturel. Il y a d'ailleurs la proposition de renommer en France les journées du patrimoine en journée du patrimoine et du matrimoine, qui est en plein débat actuellement à Paris, au Conseil de Paris, parce que les Verts et les Vertes ont fait une proposition en ce sens. Et puis, ce qui découle donc de cette affaire de nom de famille, c'est la généalogie familiale. D'ailleurs, ça doit être très compliqué en Suède pour l'établir, parce que donc la généalogie familiale, c'est une manière de chercher la trace, le nom, la vie des ancêtres, pour les sortir de l'obscurité, de l'oubli, et puis pouvoir se raconter l'histoire de sa famille sur plusieurs générations. Et j'ai trouvé un article, d'ailleurs je ne partage pas tous les points de vue de l'auteur, mais bon voilà, qui est écrit par une Francine Cousteau-Cerdon, qui est spécialiste en généalogie et qui est québécoise. Et puis elle dénonce cette pratique de transmission du nom de famille par les hommes, parce qu'elle participe à invisibiliser les noms, mais aussi les parcours des aïeuls. Et l'auteur dénonce l'absence de conscience et de connaissance d'un terme qui a pourtant été inventé dans les études sur la généalogie en 1991, qui est celui de lignée utérine. Et c'est un terme qui ne semble pas avoir encore vraiment d'application concrète dans ces études, qui reste très centré sur l'étude des lignées patrilinéaires. Le terme utérine, c'est aussi pour se distancier de matrilinéaire, qui en fait représente plus l'ascendance du père ou du frère de la mère. L'auteur dit qu'en culture patriarcale, les femmes ont des enfants, mais pas de descendance. Et puis, sur un plan individuel, cette invisibilisation de l'ascendance par les femmes, c'est aussi une difficulté de s'identifier à une lignée d'histoire féminine. Et dans cette approche de la psychogénéalogie, qui aborde la notion de schéma transgénérationnel à convoquer pour dénouer la vie présente des individus, si les parcours des femmes sont inconnus, c'est tout un pan de ce travail en ce sens qui ne peut être fait. Et puis pourtant, il y a quantité de mise en lumière qui est à faire dans cette approche, particulièrement sur les parcours des femmes, par rapport aux combats qu'elles ont menés et dont on pourrait justement encore porter les fardeaux. Et donc j'ai choisi de faire une démarche comme ça, là, celle dite de constellation familiale. Et franchement, ça a été super puissant de visiter ou du moins de questionner le point de vue de mes aïeuls. Il y avait plein de bouts de récits familiaux que j'ai posés dans ce cadre et puis de les reconsidérer en se demandant quelles avaient été les émotions, les obstacles, les victoires de ces femmes, ça m'a franchement amené un gros lot de surprises et beaucoup de bien. Une autre manière de tisser mes racines, de me sentir appartenir et nourrie par cette lignée. C'est aussi, on en parle souvent toi et moi, l'occasion de reprendre conscience de toutes ces actions de femmes qui ne se seraient justement pas positionnées comme féministes en tant que telles, mais qui pourtant vibraient des mêmes luttes, des mêmes revendications. Et je ne sais pas si tu te souviens, on en a parlé la dernière fois en participant à cette table ronde sur l'histoire des féminismes. Quand on était au Spoutnik, il y avait la première partie de la soirée qui était consacrée à des courts-métrages ou des extraits de doc de la réalisatrice née en Suisse puis installée en France, Carole Roussopoulos. Bah, d'ailleurs, dans le thème du jour, en fait, tu sais, elle est née Carole de Kalbermatten. C'est frappant hein, comme ça change l'image qu'on peut avoir d'elle. Mais alors vraiment, je ne pensais pas que ni qu'elle s'était mariée, genre institutionnaliser sa relation, ni qu'elle travaillait sous le nom de son conjoint. Bah, du coup, je m'imaginais toute une autre histoire d'elle qu'Albermatten. Bon. Bah, dans un de ses docs, elle filme des manifestations féministes à Paris, je crois, dans les années 70, et elle interroge des personnes qui regardent passer la manif. Et il y a ces deux femmes qui sont sur ce trottoir de deux générations différentes et qui répondent que oui, elles partagent tout à fait les revendications de ces manifestantes, mais non, elles veulent quand même pas se joindre à la manifestation. Et quand on est sorti, tu avais relevé l'importance de considérer toutes ces différentes postures et puis qu'il n'y a pas que la rue pour être engagée. Et dans ce sens, reprendre ce qui paraît de l'anecdotique, du pas ouvertement revendiqué comme politique dans la vie de ses aïeuls, de nos aïeuls, ces histoires qui ne sont pas forcément racontées dans l'histoire officielle ni même familiale, aussi parce que ça permet de mettre en lumière toutes ces différentes manières d'être au monde en tant que femme, d'y être engagée, chacune à sa manière, et puis tiens, rendre hommage à ces vies qui nous ont précédées. Mais pour revenir à cette histoire de généalogie du nom, il y a déjà ce discours, par exemple, sur le langage, que le langage, voilà, c'est notre manière de réfléchir, de conceptualiser le monde, et puis du coup, que le langage, enfin, la langue française utilise le masculin universel, ça pose beaucoup de problèmes, notamment pour penser un monde égalitaire ou plus inclusif. Je trouve qu'il y a aussi de ça, en fait, avec ces noms. Quand tu prends le nom du mari depuis, des générations et des générations de femmes qui sont passées, en fait, du nom de leur père au nom de leur mari, Enfin, il y a vraiment cette idée de on devient la femme de, et je me demande aussi qu'est-ce que ça a comme impact finalement juste sur, enfin tu vois, sa constitution identitaire quelque part, comment on se pense, parce que du coup on se pense aussi, alors à un moment je m'appelle Lynn Machin et puis deux jours après je m'appelle Lynn Truc, tu vois, et c'est toujours par rapport à un autre homme, et enfin c'est, je trouve ça, c'est très intéressant, et ça m'a marqué. Bon, c'est pas la même chose, mais ça, ou presque m'a attristé. En fait, à Lisbonne, il y a un cimetière qui est sur les hauteurs de la ville, qui est magnifique. Et en fait, il y a des sortes de grandes, comment on dit, c'est pas des tombes, mais enfin, c'est des tombes, sortes de petites maisonnettes carrément. Et puis il y a le nom de l'homme, en fait, et puis Isu Mujer. Et du coup, en fait, tu, même dans la mort, en fait, tu restes complètement anonyme, sauf dans le fait que tu appartiens à un homme ou que tu... Voilà. Donc, je trouve... Ouais, ouais. Bah, là, justement, c'est pour ça aussi ces traces dès le 19e en France, où vraiment bah, cette pratique de cette imposition du nom marital, c'est considéré par les femmes comme une perte de personnalité, par le règne de la dépendance, une abdication de sa personnalité, où justement les femmes mariées n'existent plus que comme épouses de, bah, à l'image encore de cette description de notre chère dame royaume locale, tu vois. Et une des stratégies dans les mobilisations féministes des années 70, c'était par des femmes d'utiliser seulement leur prénom pour se démarquer de cet insigne du modèle patriarcal, ces technologies du genre, comme l'exprime Teresa de Laurentiis, c'est-à-dire les différents dispositifs, les différents outils que le système de genre utilise pour se perpétuer. Et cette manière de revisiter, de faire une sorte de palpation exploratrice de sa propre histoire familiale, ça fait complètement écho en fait au terme de généalogie critique utilisé dans de nombreuses recherches académiques. Par exemple, il y a le philosophe français Michel Foucault qui fabriquait sa pensée notamment avec cet outil de la généalogie pour pratiquer un exercice d'archéologie, comme il dit, des représentations des savoirs. Et dans ce concept, ma foi, fort complexe de sa démarche, on retrouve la notion de savoir assujetti, comme il disait, des savoirs non dominants, masqués, disqualifiés, parce que considérés par exemple comme naïfs ou non scientifiques. Et s'intéresser à ces autres savoirs, mis en marge des récits historiques classiques, permet alors de s'attacher aux luttes, aux oppositions, et faire surgir par exemple, comme on l'a évoqué avec Rosangela Gramoni, dans l'épisode 24 je crois, les expertises sauvages dont parlait Elsa Dorlin à propos de la construction de savoirs, notamment sur leur corps, par les féministes des années 70. D'ailleurs, au passage, aussi dire que j'ai vu qu'un collectif français s'attache à adapter le manuel de self-help américain des années 70, Our Bodies, Ourselves, pour en publier une version tout à fait contemporaine, comme quoi c'est des questions qui sont toujours ou à nouveau très vives. Et puis donc, cette généalogie critique, elle s'attache à raconter un autre récit historique du monde que celui des dominants, que ce soit pour la grande histoire, sa propre histoire ou celle de sa famille. C'est une démarche que vraiment je trouve très puissante. Et puis, j'ai encore une dernière invitation à lancer dans ce sens, c'est celle de la construction d'une généalogie militante. Parce qu'en construisant sa propre généalogie, c'est de nouvelles connexions, de nouvelles racines qui sont tissées et qui donnent de la force. Mais c'est aussi un geste que l'on peut faire en dehors du cercle familial. Il y a les alliances qu'on se fait sur le chemin de la vie et dont on sait qu'elles nous nourrissent d'une intensité même parfois plus forte que les liens du sang. Et il y a aussi le fait de se rattacher à son propre réseau de connexions. Par exemple, j'avais raconté dans le dernier pod comment j'étais allée transformer ma posture suite à une séance de jujitsu très hard en tombant sur un podcast qui donnait la parole aux femmes boxeuses et comment ça m'avait permis de me rattacher à leur expérience, de mettre en lumière et en conviction la mienne. Bah, il y a quelques mois, on m'a fait un sacré coup de pendu professionnel et là aussi, j'avais grand besoin de me sortir d'une posture de victime pour être dans l'action. Et franchement, pendant 48 heures, pas simple. Alors là aussi, j'ai senti le grand besoin de me connecter à des parcours de femmes qui ont lutté pour leurs convictions. Et je suis tombée sur un podcast d'une émission de France Culture sur Madeleine Pelletier. Et Madeleine Pelletier, elle est née en 1874, morte en 1949. Elle a été la première femme médecin diplômée en psychiatrie et interne dans un asile en France. Et pas première parce qu'aucune femme n'avait eu l'idée avant, mais parce qu'elle s'est battue contre un règlement qui exigeait que pour poser sa candidature, il fallait avoir des droits politiques, ce que les femmes début XXe n'avaient pas. Comme quoi, toutes nos histoires du jour se retrouvent. Ouais, c'est pas mal de dire ce truc qu'il faut... Il faut avoir des droits politiques au lieu de juste dire, en fait, il faut être un mec, tu vois, pour rentrer ici. Mm-hmm. Et puis bon, il y aurait toute une histoire à dérouler de cette femme qui s'habillait en homme, qui était féministe, franc-maçonne, socialiste, antimilitariste, et puis qui a activement lutté pour le droit à l'avortement, ce qui lui a valu d'être politiquement internée et de mourir désespérée en asile. Yay! Ouais, mais vraiment, d'entendre les détails de son histoire, tu sais... Je sais pas, comme de l'évoquer en moi, de sentir cette émotion à ses victoires, mais aussi effectivement à cette violence à laquelle elle a dû se confronter. Franchement, ça m'a gonflée d'énergie, je me souviens très bien. Et ça m'a aidée à me réapproprier mes actions et à sortir de l'impression de les subir. Et cette invitation de réinvention de ces références, je l'ai aussi trouvée dans un article écrit par la philosophe Rosie Braidotti, qui s'appelle « Les sujets nomades féministes ou figures des multitudes ». Les sujets nomades féministes comme figures des multitudes » qu'elle a écrit en 2003. C'est un article qui ne parle pas directement de la généalogie militante, mais ça résonne très fort aussi dans ce contexte. Et j'avais juste envie de partager certaines de ses formulations que je trouve mais vraiment puissamment évocatrices. Elle parle de déterritorialisation de la pensée. Aller chercher dans d'autres territoires que ceux qui nous ont été assignés, qu'ils soient géographiques, historiques, familiaux, sociaux, pour se construire de nouvelles représentations, valeurs ou normes. Se dessiner, comme elle dit, de nouvelles cartographies avec de nouvelles coordonnées, dans le sens de nouveaux points de repère, on pourrait dire se trouver ses propres points cardinaux pour sa boussole interne. Elle évoque des images que je trouve très libératrices, celle de la contre-mémoire, d'une narration polyglotte, de racines ou du créativité nomade. En d'autres termes, se repenser en termes d'une multiplicité complexe. C'est beau, non ? Et puis voilà, bon, pour boucler la boucle de cette année podcast, t'as vu, j'arrive pas à m'en défaire. Bah, tout ça, en fait, c'est en plein ce qu'on fait depuis toutes ces heures d'épisode, en se dessinant, en allant chercher et en partageant une autre constellation de références, d'idées, d'images. Une constellation qui nous nourrisse pour de vrai et qu'on trouve alors la peine de partager. Ouais ! Et t'as remarqué un truc dans ma tchatche ? Non. Eh ben, écoute... En fait, pendant toute ma chat, j'ai utilisé chacun des titres de nos épisodes. Non, t'es tellement forte, Alessandra. Tu es ma star. Ah, t'es tellement balèze. T'as pas remarqué les bidouillages, les entrechats, les... Non. Ah, c'est génial. C'est trop bien. On vous tient au jus sur les réseaux sociaux et sur notre newsletter pour ceux et celles qui sont inscrites. Sinon, n'hésitez pas à vous inscrire pour la rentrée 2018. Et on se réjouit aussi des vacances. Oui, alors on se réjouit vraiment déjà tout d'abord des vacances. Et puis en plus, Lynn, et franchement, on a tellement de projets pour la rentrée. Vous allez voir, on a des ouais, ça va fourmiller, pétarader de plus belle. Yay! Oh oui, on peut faire cette blague incroyable! À l'année prochaine! Tchuss, Maline! Tchuss! T'as pas remarqué tout ce que... Non! Non, non, pas du tout. C'est super. Crépidule, c'est fini pour aujourd'hui. Pour prolonger la réflexion sur les thèmes abordés, vous pouvez vous balader dans le post-pod sur le site crépidule.com. Vous y retrouverez également nos autres épisodes à écouter, aussi sur iTunes.